Et je me tourne du côté de Clara Gelf qui va nous présenter son entrevue avec Amélie Ferland-Dufresne de la Maison du développement durable. Oui, bonjour. Bonjour. Donc effectivement, du 12 au 30 avril, en fait, à partir de demain jusqu'à la fin du mois, la Maison du développement durable accueille pour la première fois à Montréal l'exposition Lialaga Camp Minier d'Alexis Aubin, qui est le grand gagnant du concours L'Homme et l'Environnement organisé par le meeting international du photojournalisme Zoom Photo Festival en collaboration avec la Maison du développement durable. Donc Alexis Aubin, en fait, c'est un photojournaliste d'origine montréalaise. C'est lors d'un stage au Mexique qu'il prend conscience du potentiel de la photographie comme outil de changement social. Il entreprend alors des études en photographie au Collège Marsan et collabore depuis avec des organisations œuvrant au développement social et international. Cette exposition, Lialaga, ça présente en fait une mine bolivienne qui a été exploitée dans presque sa totalité. Le gouvernement bolivien n'ayant jamais travaillé à sa nationalisation, les citoyens poursuivent son exploitation en fait de façon artisanale. Donc les conditions, on peut l'imaginer, ils sont difficiles et d'autant plus difficiles que la machinerie y est maintenant quasi inexistante. Bien sûr, quelques coopératives ont vu le jour, mais seulement 30% des travailleurs en sont membres. Donc chaque matin, enfants et vieillards tentent de soutirer quelques pierres à la Pachamama. C'est la mère nature en quechua, la langue des autochtones de là-bas. Voilà, ils tentent de soutirer quelques pierres en échange d'offrandes de coca et d'alcool qui achètent la clémence de cette dernière. Cette semaine, j'ai rencontré... J'ai eu au téléphone Amélie Ferland-Dufresne, qui est la directrice de communication et de programmation de la Maison du développement durable, qui nous parle de cette exposition. Bonjour Amélie Ferland-Dufresne, vous êtes directrice des communications et de la présentation à la Maison du développement durable en charge de cet événement. Cette exposition présente Lialaga, une mine bolivienne ayant été exploitée dans presque sa totalité. Est-ce que d'abord vous pourriez nous parler de cette mine et du projet du photographe Alexis Aubin en nous expliquant ses intentions lorsqu'il a pris ses photos ? Oui, absolument. Alors, il s'agit en fait d'une mine qui a été presque toute exploitée et donc les entreprises sont parties. Le gouvernement a décidé de ne pas travailler à sa nationalisation parce qu'il ne restait pas suffisamment de minerais. Par contre, les citoyens, eux, ont décidé de poursuivre son exploitation de façon artisanale. Alors, évidemment, l'artiste Alexis Aubin s'est intéressé pas seulement à la mine, mais évidemment aux conditions de travail des gens qui y travaillent pratiquement sans machinerie et qui, donc, vont travailler très fort pour réussir à récupérer ce qui reste. Il y a quelques coopératives qui ont vu le jour, mais en fait, seulement 30% des travailleurs en sont membres. Ce qui a donné l'objectif à Alexis de faire cette exposition-là, c'est qu'il s'était intéressé à d'autres conflits et manifestations en lien avec les mines. Et comme on sait que le Canada est très présent dans le milieu minier, Alexis voulait montrer ce que ça pouvait représenter de travailler dans des mines à l'étranger. Hein. C'est pas les mêmes conditions de travail ici et là-bas. Et il voulait nous montrer, en fait, ce que les gens ne peuvent pas voir. Hein. Ce qu'on va rarement dans des mines bolivienne, mais même comme touriste, on est encore même empêché de le faire. Donc, c'est vraiment un regard sur une réalité à laquelle on n'a pas accès. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous donner des repères chronologiques? Quand est-ce qu'il a fait toutes ces séries photos et combien de temps ça a duré? Est-ce que vous le savez? C'est une bonne question que je n'ai pas posée à Alexis. D'accord, très bien. C'était comme ça une curiosité, juste pour préciser. Cette exposition, elle commence demain à la Maison du développement durable. Comment vous pourriez nous la décrire pour nous donner envie d'aller la voir? Alors, il y a une vingtaine de photos qui sont vraiment très belles et qui dressent un portrait très réaliste de la situation. En fait, quand on rentre, c'est frappant. Les photos sont quand même assez sombres parce que ça se passe dans une mine, mais on voit les lumières des miniers. C'est vraiment, c'est très accrocheur. Et d'ailleurs, ça n'a pas passé inaperçu, cette exposition-là. C'est la photo, l'exposition qui a gagné le concours L'Homme et l'Environnement organisé par le Meeting International international de photojournalisme Zoom Photo Festival Saguenay en collaboration avec la maison. Et l'exposition a retenu l'attention du jury là, qui était très impressionné par la qualité du travail d'Alexis, qui a révélé par cette exposition-là son talent, sa démarche intègre dans la narration du reportage. On sent la passion, l'intégrité, le désir. Donc le jury ne tarissait pas d'éloges et je vous invite à venir voir ça de vos propres yeux. D'ailleurs, il y a le vernissage qui aura lieu le 16 avril prochain et qui est ouvert au public. C'est à 5h, c'est un 5 à 7. Et on aura aussi, on a décidé d'organiser dans le cadre du 22 avril, le jour de la Terre, deux visites commentées par l'artiste qui va donc pendant 30 minutes à midi et midi 30 nous raconter, nous expliquer sa démarche, son projet, son passage, son exposition. Super. Donc, les dates de ces deux portes ouvertes, à quel jour c'est, vous avez dit? En fait, il y a le vernissage le 16 avril à 17h. Très bien. Et les visites commentées par l'artiste sont le 22 avril à midi et midi 30. Très bien, parfait. Et donc, cette exposition, comme vous l'avez dit, elle est d'un photographe qui a gagné le concours organisé en partenariat avec votre maison. Cette exposition, elle est exposée à la Maison du Développement Durable. Tout ça, c'est pas anodin et parce qu'on sait que c'est un sujet qui vous intéresse. Vous avez d'ailleurs présenté ce mardi passé une grande conférence sur l'exploitation minière au Guatemala. On a d'ailleurs déjà aborder ce sujet dans cette émission. Pensez-vous que cette exposition, avec cette exposition, vous pouvez alerter le public sur ce type de situation qui se déroule bien loin de Montréal, en Amérique latine, dans de nombreux pays? Oui, ben c'est ça un peu le rôle de cette exposition-là, de la conférence qu'on avait, même de la programmation de la Maison du Développement Durable en général. Hein. On veut sensibiliser les gens sur les enjeux liés au développement durable, on veut sensibiliser les citoyens, les experts, les élus. Et le développement durable, ben, c'est pas seulement l'environnement, c'est aussi les droits humains, les conditions dans les mines, le travail des mines, les syndicats, tout ça, c'est vraiment lié aux droits humains. Le développement durable, c'est aussi l'économie, c'est même la culture, c'est une des raisons pour lesquelles on présente des expositions. C'est aussi parce que la culture fait maintenant partie du développement durable. Donc, tout ça, oui, est lié. Et d'ailleurs, on a plein d'autres activités qui sont prévues en avril, qui touchent des sujets très variés, pas seulement les droits humains. On a une conférence sur les pesticides, un risque inutile, organisé en collaboration avec Équiterre dans le cadre de leur 20e anniversaire, animé par Laure Varidel. On a aussi un événement qui s'appelle Troc et Truc printanier, où on invite les gens à venir échanger des vêtements, mais aussi des CD, des DVD, des souliers, des articles de sport, etc. C'est le 30 avril, finalement les troquer gratuitement. Donc les gens viennent, ils peuvent échanger leurs articles, et ça, c'est, il y aura aussi sur place une éco-designer qui va faire des altérations sur les vêtements qui pourraient ne pas être ajustés convenablement. Donc ça risque d'être super intéressant. Pour ceux qui s'intéressent aussi à la maison, qui s'intéressent à la construction écologique, on a des visites guidées tous les vendredis, des visites guidées gratuites, 30 et 17h30. Elles sont organisées en collaboration avec Hydro-Québec. En fait, je vous invite à aller voir notre programmation en ligne. On a plein d'activités. Jeudi, on a une conférence, ça s'appelle « La communication et le développement durable » aussi. C'est organisé en partenariat avec le cocktail conférence catalytique et c'est les meilleures pratiques de communication en lien avec le développement durable. Donc, évidemment, les responsabilités de l'entreprise, les véritables enjeux de la communication versus le greenwashing, etc. Ça risque d'être super intéressant. Et ça vous intéresse. Puisqu'il nous reste quelques minutes, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus globalement de la Maison du développement durable? Dans quel but ça a été créé? Quelles sont ses missions tout au long de l'année? Oui, alors la Maison du développement durable, c'est au départ une idée d'Équiterre qui voulait déménager parce que ses bureaux étaient situés dans un loft industriel, si on veut, donc les conditions de travail n'étaient pas très bonnes pour les employés et ils ont décidé de faire de ce déménagement-là un projet éducatif et un projet rassembleur. Donc après, ça leur a pris 10 ans pour trouver le financement, les partenaires, etc., pour créer la Maison du développement durable en partenariat avec 8 autres autres 8 organisations engagées dans la promotion du développement durable. Je me permets de les nommer. Ce sont nos membres fondateurs, Amnesty International, il y a un CPE, il y a le Conseil régional de l'environnement de Montréal, il y a Environnement Jeunesse, Options consommateurs, le regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec et Vivre en ville. Et il y avait 4 objectifs, donc... C'était en quelque sorte de faire de la Maison du développement durable un pôle de réflexion, d'éducation, d'innovation et de rencontre sur le développement durable. Et donc d'offrir des outils éducatifs autant aux citoyens, aux chercheurs, aux experts, aux élus. Alors, on est le siège social de l'ONG du Québec et autant d'environnement que à vocation sociale. On inspire le milieu du bâtiment durable en proposant, en montrant, en étant l'exemple que c'est possible de faire un bâtiment. On vise la certification LEED Platine. On sera les premiers à l'obtenir, si tout se passe bien, à la fin avril. On sera les premiers au Canada, bâtiment commercial, nouvelle construction dans un centre-ville. Ensemble, toutes les organisations qui sont ici, on travaille ensemble pour faire la mutualisation des services, mieux rayonner, partager nos expertises, etc. Et on travaille à développer une programmation variée pour le public, les experts, les élus, en proposant toutes sortes d'activités, des formations, des débats, des conférences, des documentaires, des expositions, des visites, etc. Super, voilà un peu ce qu'est la Maison du développement durable. C'est super, c'est vraiment intéressant. Donc la Maison du développement durable, c'est au 50 rue Sainte-Catherine-Ouest. Je vous invite tous à aller voir le site internet, donc maisondedeveloppementdurable.org. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et à bientôt. Et puis donc on donne rendez-vous à tout le monde à partir de demain et jusqu'à la fin du mois pour voir l'exposition photo sur la mine bolivienne Lialiaga. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.